Le vent chasse un nuage qui fait sa route vers l'infini. La mer parle au rivage et je l'écoute et je m'ennuie. Je suis seul à comprendre, oui, à comprendre la chanson de l'oiseau qui passe. J'attends d'un cœur qui tremble celui qui viendra prendre sa maison. Ce soir, je ne suis